Pendant le week-end, Marie de vous écrit. Façon de parler. J'écris parce que je sais que dans la semaine, on se verra. Enfin, le week-end dernier, je vous ai écrit naturellement à l'intervalle. Je viens la lire pendant le dîner. Actif. Je fais une slide. Je vais commencer par là. Naturellement, c'est un peu difficile. Mais peut-être vous prendrez des notes. Puis après ça, je dirais des choses que j'ai pensées depuis en pensant plus réellement. Je vais vous dire ceci. Bien sûr, probablement, je ne voudrais jamais beaucoup d'éducation. Je ne vois pas pourquoi je montrerai le contenu de la bibliothèque. Il y a deux horizons du signifiant. Là-dessus, je fais une accolade. Comme c'est écrit, pour vous fassiez attention, je veux dire que vous ne croyez pas comprendre. Alors, dans la colère, il y a le maternel, et aussi le maternel, et il y a écrit le maternel. Je serais forcé de le faire. Je ne vais pas mettre tout de suite à parler sur ça. Je ne dirai jamais ce que j'ai écrit. Peut-être dans la suite, je vais revenir sur cette distinction que je souligne que les dors. Les articulés. Je veux dire, ça c'est une parenthèse, ce n'est pas la critique. Je veux dire les articulés dans chacun de ces deux articles. C'est donc procéder selon ces horizons eux-mêmes. Puisque la mention de leur au-delà de l'horizon ne se soutient que de leur aussi. Quand ça vous ennuiera, vous me direz, et vous raconterez une chose que je vais raconter ce soir. De leur position, écris-je, en un discours de fait, pour le discours analytique. Ce de fait m'implique. Assez dans ses effets pour qu'on le dise être de mon fait. On le désigne par mon âme. L'amour, ce que je désignais ici pour tel, le répercute diversement. avec les moyens de ce qu'on appelle justement le vol. De ce vol, le Boron, ça m'a inspiré, j'ai écrit ça. Boron. C'est une trouvaille d'une personne qui, dans l'ancien temps, m'a donné des enfants. C'est une indication concernant la voie qui, comme chacun sait, à voie. Et la place aussi, qu'il n'y a qu'un passible, et la source, qui fait l'astuce, et puis la merde aussi, qui fait de temps en temps graffito, l'intention plutôt dangereuse, dans les classes journalistiques, bref, c'est la vie. Comme dit une personne qui est divertie pour l'instant, c'est gay. Et c'est vrai. Ces effets n'ont rien à faire avec la dimension qui se mesure de mon fait. C'est à savoir, c'est d'un discours qui n'est pas le mien propre que je fais la dimension nécessaire. C'est le discours un. Qui, pour n'être pas encore, et pour cause, proprement institué, se trouve, par besoin de quelques feuillages, approchement toi, par contre, seulement les soucis faibles, ma position, mais déterminé. Bon. Là maintenant, parlons ce discours du fait qu'il est essentiel la position comme telle. Du signe. Je voudrais quand même faire du public constitué de faire remarque. C'est que cette position du signe fiant se teste d'une expérience. Pour vous apercevoir de quoi il s'agit et combien c'est essentiel. Quand vous connaissez imparfaitement une langue et que vous lisez un texte, eh bien, vous comprenez. Vous comprenez tout. Vous comprenez dans le sens où d'avance vous savez ce qui se dit. Bien sûr, il en résulte que le texte est texte peut se contredire. Je disais par exemple un texte sur la théorie des ensembles. Vous avez constitué l'ensemble infini des nombres entiers. La ligne suivante, on dit quelque chose en premier, parce que je continue l'équilibre. Ne croyez pas que c'est parce que ça continue toujours qu'il est infini. Comment bien vous expliquer que c'est pour ça qu'il est sursauté, mais quand vous dire qu'il y a un terme qui désigne qu'il s'agit de divine. Divine, c'est-à-dire que ce n'est pas sur ça que vous devez juger, parce que ça, ça n'est pas cette série de nombres entiers qu'elle est infinie. Ce n'est pas parce qu'elle est indéfinie. Tout ça que vous vous apercevez que c'est parce que soit vous avez souhaité dire, soit que vous avez compris trop vite, c'est-à-dire que vous avez sauté cet élément essentiel qui est sinon, qui rend possible ce changement de niveau grâce auquel j'ai eu un instant une contradiction. Il ne faut jamais sauter un signifiant. C'est dans la mesure où le signifiant ne vous arrête pas, vous comprenez. Or, comprendre, c'est être toujours compris soi-même dans les effets du discours. Lequel discours ordonne les effets du savoir déjà précipités par le seul formalisme du signifiant. Ce que la psychanalyse nous apprend, c'est tout savoir. Est associé à un voyant de la puissance qui s'y réalise et pose la question de ce qui s'y trahit, des limites de la puissance, c'est-à-dire quoi? Du tracé imposé à la justice. Terminant, c'est un fait que nous supposons quelque chose. À ce qui se passe, ce quelque chose que nous imaginons préposé, encore qu'il soit sûr que nous ne le supposions jamais qu'après. C'est seulement au fait de parler que sera dans l'état actuel de connaissance. Que puisse t'apercevoir que ce qui parle, quoi que ce soit, et ce qui jouit de soi comme corps, chose vers le corps qui vit comme ce que je vais annoncer. Tu as, c'est-à-dire comme tu toi. D'un corps qui tue toi, et d'un corps à qui il dit tue toi dans la même vie. La psychanalyse, qu'est-ce? C'est le repère de ce qui se comprend d'obscurci, de ce qui s'obscurcit en compréhension du fait d'un signifiant qui a marqué un point de corps. La psychanalyse, c'est ce qui relève. Les rails ordinaires, c'est ce qui reproduit la production de la dérance. Là-dessus, tout le monde est d'accord. Il n'y a pas un psychanalyste qui ne pense pas là-dessus. Le psychanalyse attribue cette névrose, attribue le consentisme à l'action des parents. Mais Athéa, que dans toute la mesure où l'action des parents s'articule, terme parfois je commençais à parler de la position du psychanalyste. C'est pas là-dessus où on est vers un signifiant qui en est né, que la névrose va s'en donner selon le discours dont les effets ont produit le sujet. Toute parole traumatique est ensemble dans la même position que le psychanalyste. La différence, c'est que le psychanalyste, de sa position, reproduit la névrose. Et que le parent traumatique, lui, la produit innocemment. Dont il s'agit, c'est ce signifiant de le reproduire à partir de ce qui, d'abord, a été son efflorescence. Faire un modèle de la névrose. Somme l'opération du discours analytique. Pourquoi? Dans la mesure où il est la cote de jouissance, la jouissance exige en effet le privilège. Il n'y a pas deux façons d'y faire pour chacun. Toute réplication la tue. règne sur vous. Parce que la répétition en soi vaine, c'est la vie toujours la même. C'est l'introduction modèle qui est cette répétition vaine. Une répétition achevée la dissout de ce qu'elle soit une répétition simplifiée. C'est toujours, bien sûr, du signifiant que je parle quand je parle du diable. Pour étendre ce lien à la mesure de son empire, puisqu'il est assurément le signifiant maître, il faut l'approcher là où on l'a laissé à ses talents pour le mettre, lui, au pied du mur. Voilà. Ce qui rend utile comme incidence le point où je suis arrivé cette année, n'ayant choix que de sa vie, à cette référence mathématique, ainsi appelée, parce que c'est l'ordre du règne de Marais, c'est-à-dire ce qui produit un savoir, qui de naître produit, est lié au bord du plus de soi, c'est-à-dire du mesurable. En athème, c'est ce qui proprement et seul s'en sert. Ne s'enseigne que l'un. Encore faut-il savoir de quoi il s'agit. Et c'est pour ça que cet avis, je l'interroge. Je ne poursuivrai pas plus loin ma lecture que j'ai lue, je pense, assez lentement. Et il est assez difficile pour que sur chacun de ces thèmes que j'ai bien émulés, quelques questions pour que vous s'accrochent. Mais c'est pour ça que je vais vous parler libre. Quelqu'un l'autre jour, il faut sortir. Dernier truc au Panthéon. Là encore, il est venu m'interpeller sur le sujet de savoir si je croyais à la liberté. Je lui ai dit qu'il était drôle. Je lui ai dit que c'est indiqué. Je suis rendu avec lui, mais que je ne serais pas prêt ici à lui faire personnellement quelque confidence. Il est un fait qui parlera. Sauf que cette question et son initiative, je déplore pas savoir pourquoi il me pose. C'est que faisant allusion à ce en quoi, à ce par quoi je me trouve, en position ce discours analytique de Freddy, si c'est bien évident, considère comme possible, au moins puissant, c'est sa structure physique, c'est ce par quoi l'effet saint marquette c'est un lien sans. On s'est aperçu de ça sans avoir de ça autant de la psychiatrie. C'est même ce qu'on appelle couramment l'idéologie. La façon dont un discours semble de façon telle qu'il précipite un lien social comporte inversement que tous s'y articulent. Comme de ces faits. C'est bien ainsi, j'entends, ce que vous j'articule du discours de la psychanalyse. C'est que s'il n'y avait pas de pratique psychanalytique, rien de ce que je dis en articulé n'aurait d'effet que je puisse attendre. Je n'ai pas dit n'aurait sens. Propre sens, c'est d'être toujours confusionné. C'est-à-dire de faire pont, de croire faire le pont. En tant que si précipite un lien social avec ce qui d'un autre ordre provient le discours. L'ennui, c'est que quand vous procédez lundi, on s'est écrit sur la question du procès. C'est-à-dire de viser d'un discours ce qui fait fonction de l'heure. Qu'est-ce que je fais en l'occasion? Permettez ce néologisme, je fais de l'énologie avec ce que j'articule. N'importe qui veut faire une ontologie d'après ce qu'il suppose, au-delà justement de ces deux sens. Que j'ai marqué et défini comme horizon du cycle. On peut se mettre dans le discours universitaire à reprendre. De la construction de modèle, en y supposant un acte arbitraire, je ne sais quel essence qui viendrait penser pourquoi la valeur suprême. C'est tout particulièrement promise. Parce qu'il sort au discours universitaire dans lequel 谁？谁？只有。Je maître est de à la place sans rien. Avant qu'un signe soit vraiment mis à sa place, c'est-à-dire juste de l'idée de signe. Il est produit. Il y a toujours des effets de circulation. La signification précède dans ces effets la reconnaissance de sa place. Sa place instituante. Si le discours universitaire se défend de ce que le savoir, il soit mis en position de semblant, c'est ce qui se contrôle, c'est ce qui se confirme, la nature même de l'enseignement en question. Oui. C'est une fausse mise en œuvre de ce qui a pu s'émantailler, si je puis dire, au cours des siècles, dont le signe diverse, son sommet, son culmen, c'est ce qu'il appelle glorieusement l'histoire de la philosophie. Comme si la philosophie n'avait pas or, je démontrais son ressort dans les aventures et mésaventures du discours du maître, qui souvient de temps en temps en ouvrir la cause des chagrins de la philosophie. Suffisamment affirmé à partir des points où justement est sortie la notion idéologique, la cause, il s'agit de n'y pas ailleurs. Mais il est difficile que tout le d'un discours, surtout s'il ne s'est pas encore repéré, d'un prétexte de soutenir prématuré de nouveaux êtres. C'est bien que tout ça n'est pas facile. Il faut quand même faire si je dise des choses plus amusantes. Alors, parlons de haine et l'amour. Ben, l'amour. Thank you. Ce n'est pas ce qui est le plus puissant. Enfin, dans les siècles, on n'a pas de peau. Il est même prodigieux depuis le temps pour qu'on puisse en parler. De son fin, depuis le temps, on aurait pu s'apercevoir que ça ne réussit pas mieux pour autant. Donc là, c'est en parlant qu'on fait. Voilà. Alors l'analyste, quel est son rôle? Est-ce que vraiment Thank you. Je précise, qui pense pas aux représentations sur le sujet, mais il a à l'intervenir dans son discours en recoupant un seul élément du sujet. C'est ce qu'on appelle l'interprétation. Parce qu'il n'a pas à savoir technique, c'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a, à savoir le sens, qu'est-ce qu'il met par là, en analyse, il la tient pour ce qu'elle est, c'est-à-dire assurément de l'ordre du réel, puisqu'il ne peut rien faire. Il y a une chose frappante, c'est que le sexe comme réel veut dire qu'il aime, veut dire qu'il y a les deux. Jamais personne n'aime les deux. On s'est énoncé, et c'était une petite idée que chacun avait en tête. C'était représentation. Et c'est bien à se dire que dans toute l'histoire de la philosophie, d'un être conceptualisé, étant jusque-là l'idéaliste. Que je viens de définir à ce propos, c'est ceci, surtout depuis quelque temps, le sexe. Nous avons vu que c'était microscope, qui parle par exemple de la sexuelle, qui parle de la lettre. Rendez-vous compte qu'on manquait de ça, jusqu'à le 9 décembre. Pour ce qui est du sexe, on en est arrivé à penser que le sexe n'est pas attribué au chat, la nature, le nous, tout le passerelle. Tout ça, c'était le sexe, n'est-ce pas? Le beau tour de la femelle, le son amour, bon. Le fait que vous sachiez, façon certaine, certes, là, deux petites cellules se ressemblent pas. De ce et ce prétexte du sexe, bien sûr, plus bien avant, on est sûr qu'il y a deux espèces de planètes. Au nom de cela, le psychanalyste croit qu'il y a rapport sexuel. On a vu des psychanalystes comme ça dans la littérature, dans le domaine de ma vie, etc. Je suis très content. Tout le monde, l'intrusion, il y avait le mal, du spermatozoïde, les œufs. C'est bien là que et pas du discours. Et donc, bien plus indicative dans ce genre qu'il s'agit. C'est effet le discours bien plus indicatif que toute référence à ce qui, totalement, même si, bien sûr, que les sexes sont deux, reste suspens, c'est à ça ce que ce discours est capable d'articuler contre lui dans le rapport sexuel. C'est ça qui est dit d'être dispensé. Les petites choses que je vous ai déjà écrites, à savoir ma position d'un néguin, c'est d'un non-néguin. D'un il existe et d'un non celui qui n'est pas vrai que fille de l'innocence. Et notre part, d'un tout dit et conforme à la fonction fille de l'innocence, c'est de partout, c'est une formule nouvelle. Les susceptibles dans la colonne de droit de satisfaire la fonction des familles, c'est cela. C'est cela autour de moi, comme je tâche d'expliquer dans les séminaires qui m'ont suivi, c'est-à-dire ailleurs. C'est cela. C'est-à-dire, dans une série de nuances qui se trouvent en tout de présumer conversion de ces termes, c'est-à-dire ici, mais nuances diverses, pas sur les nerfs, c'est cela. Mais d'être pointé pour donner son statut à ce qu'il en est au sujet du rapport sexuel. Ceci nous donne assez dans sa grammaire, les expertises sujets s'y recouvrent à ce qui s'est découvert d'abord de la logique pour que nous puissions déjà l'origine de la subitante pour que je puisse tenter d'y donner du sens, car c'est cela et pourquoi nous sommes sans que je suis fait à l'énoncé Yadla. Parce que, il y a une chose qui doit quand même et 2, ça casse. Le psychanalyste, juste petit, on dénonce la mythologie, il est grave de justement cette remarque de scène. Soit la plus portée de l'âme. Quand les galettes se confondent, ce qui en résulte, c'est pas la fusion. Et deux. D'abord, ça se fait à vivre. Il faut que passe et la place la meilleure chose, on appelle ça. Et si ça se fait, ce que nous pouvons appeler, c'est justement la petite part. Permettra peut-être exercice des héros, j'entends les héros, de doctrine chrétienne. La chair de la cause aussi, avec laquelle on s'emmerde depuis assez longtemps. Et il n'est pas vain à cet endroit de nous servir de quelque chose dont ce n'est pas vain. C'est venu au jour de quelque temps qui déjà introduit la dernière fois la considération de ce problème comme la théorie des ensembles. Ça ne veut pas bien sûr, vous considérez là tout ça, pourquoi pas aussi, aussi l'affaire de l'homme. Les hommes et les femmes sont ensemble aussi. Alors que chaque chose. Il s'agit de savoir si sur ce dernier, dont il est question, nous pourrions par l'ensemble, un ensemble bien sûr, de la humanité française, tirer quelque lumière. Alors, puisque ici, je fais des ballons d'essai. Je propose, ça y est, tâchez de voir avec vous ce qu'il attend de servir. Je ne dirai pas d'illustration. Il s'agit bien d'autre chose. Il s'agit de ce que le signifiant a à faire avec le. Parce que bien sûr, le ne sait pas hier qu'il est surgi. Mais il est surgi quand même à propos de choses tout à fait différentes. Certains usages, les instruments de musique, et en même temps, quelque chose qui n'avait absolument aucun rapport, à savoir la fonction de l'individu. L'individu, ces êtres qui se reproduisent, toujours les mêmes, ça ne frappe. J'en avais frappé déjà un autre, le Platon, dont la vérité, je crois, je pense, c'est parce qu'il n'avait rien mieux à s'offrir. Je me donnais l'idée de la forme, j'en arrivais à énoncer. Il illustre, comme il pouvait, son idée de l'idée. L'autre, bien sûr, fait remarquer que, mais, bon, c'est très joli, hein, mais que sur quoi elle se distingue, c'est ceci. C'est simplement elle que nous reconnaissons dans un certain nombre d'individus, hein, qui se ressent. De la partie sur les plantes métaphysiques diverses. Ceci ne nous intéresse à aucun. La façon dont l'un s'illustre, que ce soit l'individu ou que ce soit un certain usage pratique de la géométrie, del persuadere, del piacere non compiere della visione di quella cosa di la storia, di un'altra storia. Se manifesta in teoria, se non è in teoria, più di sé, sono gli attentati, mi sono perseguito la voce d'altro popolo. E se si trova, sarà più l'antinatico, la natura sa che può essere, il padre mio, se fosse le nostre ragioni qua, e se trasse i gatti di Gerasieri, se ne prendono la fede, in caso di lavare, la concezione di nome definita al Senato. Chi ha la prega del mondo, se la destina degli altri bossi, tutto il mondo, destinare la une séquence, ça se caractérise de ceci que c'est foutu comme la suite de nos actions. Il s'agit de rendre compte de ce que c'est que nos actions. Je ne vais pas, bien sûr, vous faire dénoncer la théorie des anciens. Je simplement pointer ceci. Le premier amour, il a fallu attendre assez tard la fin du dernier siècle. Ce n'est pas plus de 100 ans qu'il a été tenté de rendre compte la fonction de l'homme. Il est marquable que l'homme se dénouisse d'une façon claire, que le premier aspect sur lequel il apparaît soit celui de l'ensemble vide. Et que, quelque part, ceci constitue un ensemble de à la fois celui dont je dis l'ensemble vide est le seul élément. Ça fait un ensemble à un élément. C'est là que nous partons. Et la dernière fois que je dis l'ensemble, qu'il n'y ait pas un problème à son ensemble. Dans des sujets glissants, que le fondement de l'être de ce cas s'avère être proprement constitué de la place d'un manque et illustré grossièrement de l'usage. De l'usage piège dont il s'agit de faire entendre la différence des ensembles pour faire sentir que je la dis théorie à d'autres chefs directs. Que le faire apparaître comme un peu sans la notion propre de nombre calme par la correspondance biologique, je l'ai illustré la dernière fois, c'est au moment les deux séries comparées. Un, partenaire, que la notion de l'ingénierie, il y en a un membre. Tout ce qui s'est dit du nombre cardinal ressenti de ceci. C'est que si la suite des nombres comporte toujours nécessairement un et un seul successeur, c'est pour autant que ce que dans le cardinal se réalise de l'ordre du nombre, ce dont il s'agit, c'est reprenant. La suite cardinale, en tant que commençant à zéro, elle va jusqu'au nombre qui possède immédiatement le successeur. En vous énonçant ainsi d'une façon improvisée, dans mon énoncé, une petite faute, c'est par exemple de parler d'une suite comme si elle était d'ores et déjà ordonnée. Retirez ici que je ne vois jamais simplement que chaque cardinal pense au cardinal qui le précède en y ajoutant l'ensemble. L'important de ce que je voudrais ce soir vous faire sentir, c'est que si l'âme survit et que l'effet manque, la considération des ensembles prête à quelque chose qui, je crois, digne d'être mentionné, que je voudrais mettre en valeur de la référence à ceci, que la théorie des ensembles a permis de distinguer dans l'ordre de ce qu'il en est de l'ensemble deux types. L'ensemble fini et d'admettre l'ensemble infini. Dans cette énoncé, ce qui caractérise l'ensemble infini est propre de pouvoir être perçu comme équivalent à l'inquiétant de cette sous-ensemble. On l'avait déjà remarqué bien aimé, il n'avait pas pour cela répondu content. La suite de tous les carrés est en correspondance divinivore avec chacun des nombres sentiers. Il n'y a en effet aucune raison jamais considérer qu'un de ces carrés soit trop grand dans la suite des entiers. C'est ceci qui constitue l'ensemble infini au moyen de quoi on dit qu'il peut être réflexif. Par contre, dans ce qui est de l'ensemble fini, il est dit comme étant sa propriété majeure, qu'il est propice à ce qu'il s'exerce dans le raisonnement proprement matériel, c'est-à-dire dans le raisonnement sensé, à ce qu'on appelle l'induction. est recevable dans un ensemble de cultures. Ce que je voudrais vous faire remarquer, c'est que dans la théorie des sens, il est un droit. Quant à moi, je considère comme problème. C'est celui qui relève de ce qu'on appelle la non-dénombrabilité. Des parties entendues par le sous-ensemble telles qu'elles peuvent se définir à partir d'un ensemble. Il est très facile, si vous partez de ceci, pour prendre le nom carme, vous avez un ensemble composé par exemple de 5 éléments. Si vous appelez sous-ensemble, la saisie en balance de chacun de ces cinq éléments, puis des groupes forment de ces éléments sur cinq, vous facile de calculer. Combien sera ce signe-là de sous-ensemble? Il y en a très exactement 10. Puis vous les prenez par 3, il y en aura en 10. Puis vous les prenez par 4, il y en aura 5. Et vous ramenez à la fin, à l'ensemble. Les trouvettes. C'est certain. suffirait qu'il se complète. C'est énoncé ensemble à Cardinal Saint par le suite pour la même approuver. Des scènes qui seraient claires à un ensemble carrément, autrement dit, imagez-le peut-être à elle qui verrait que vous avez avec nous, que vous avez 6 arêtes, que vous avez 4 sommets, 4 faces, que vous avez aussi l'ensemble. La remarque que je fais à ceci en résume, mais c'est l'allusion à l'autre cas pour démontrer dans les deux cas la somme des parties idéales à 2 puissance m, m étant précisément une nombre cardinal des éléments de l'ensemble. Il ne s'agit pas ici en quoi que ce soit quelque chose qui est la robe de théorie des ensembles. Ce qui est énoncé à ce propos de la démographité à toutes ses applications, par exemple, dans la remarque que rien ne change à la catégorie d'infini. Si on y retirait une suite quelconque des nombres. Néanmoins, la demande qui est faite de la non-démographie en ceci, qu'assurément, puis en tout cas, on ne sort appliqué sur un ensemble. L'ensemble fou la somme de ces parties définies telle qu'elle vient de l'être est-ce la meilleure façon d'introduire la non-démographie d'un ensemble infini. Il s'agit d'une introduction idéale. Il s'agit d'une introduction idéale. Je le conteste à partir du moment où la propriété de la réflexivité telle qu'elle est affectée à l'ensemble et qui comprend que l'inductivité caractéristique des ensembles laisse écrire pour qu'il voit certains lieux que la non-démographie des pas l'ensemble infini ressortirait, je souligne par réduction, de ceci que ces parties s'écriraient comme s'écrit l'ensemble infini et non entier, le licence alpha zéro. Je le conteste et comment faire pour le contester. Je le conteste à partir de ceci. C'est que il y a tel artifice quand il s'agit de partie de l'ensemble. D'aller prendre dans le cachet l'addition de, en effet, 2 puissance R. Mais il est clair que si vous avez d'un côté A, B, C, D, T, pour transiger les lettres grecques que j'ai écrites au tableau, j'avais une raison pour ça. Et si vous y apportez la réflexion, A, B, C, D, correspond à A, A, B, C, A, B, D, T, correspond à C, vous voyez, le nombre des parties, si vous y substituez une partition, aboutit à une formule qui est très différente, mais dont vous verrez pourquoi le reste, c'est que le nombre, c'est 2 puissance n moins 1. De plus, si vous l'avez fait, ceci n'intéresse pas ici absolument tout le monde, mais j'aimerais là-dessus, je sollicite, je dois dire comme je fais l'habitude, d'une façon désespérée, je sollicite des grammaires de temps de donner un petit tuyau, et on m'envoie, c'est toujours les mauvais. J'ai sollicité des mathématiciens très nombreux déjà là-dessus, et à l'été, parce qu'il faut vous dire que cette non-démographie des parties de l'ensemble, ils s'y tiennent comme la tique de la peau de chien. Néanmoins, je propose ceci. Il y a son petit air. J'ai droit à la lutte qui m'a laissé de côté un point sur lequel j'aimerais finir. Mais j'ai droit à la lutte qui a son intérêt. Son intérêt est ceci. C'est que la substitution de la fonction de celle de la partition, il est nécessaire, de la même façon que nous avons indiqué que les parties d'ensemble réunies, ce serait 2 puissance alpha 0, c'est-à-dire le plus petit est transmis, celui constitué par l'ensemble. Le cardinal de l'ensemble, au lieu d'avoir 2 alpha 0, nous avons 2 puissance alpha 0 moins 1. Je soupçonne que ceci, à quiconque peut faire sans ce qu'il y a quasi à supposer la vitalisation d'un ensemble d'un. Si, comme la forme comporte elle-même la trace, ce qu'on appelle ensemble d'état, aboutit à une formule qui contient le nombre de portées à la puissance. Les éléments de l'ensemble est si tout à fait recevable, surtout à partir du moment où nous mettons en risque l'induction quand il s'agit de l'ensemble infini, comme est-il recevable que nous acceptions une formule qui manifeste aussi clairement qu'il s'agit non pas de partie de l'ensemble, mais de sa partition. J'y ajouterai quelque chose qui a bien son intérêt. Qui sait que alpha 0, bien sûr, n'est qu'un index. Un index qui qui n'est pas pris au hasard, et un texte changé pour désigner, car dans toute la série des autres, en principe de la Bible, toute la série des nombres entiers peuvent servir un texte à ce qu'il en est de l'ensemble en tant qu'une forme de transmission. À partir du moment où ce dont il s'agit, c'est la fonction de la puissance, il semble que nous ayons abusé de l'induction en permettant d'y trouver test de la non-démorabilité de partie de l'ensemble de la famille. Est-ce que, à y regarder de près, nous ne trouverions pas ici à ce zéro une autre fonction, celui qui a dans la puissance exponentielle. C'est à savoir que quelque nombre que ce soit, l'exposant à zéro, quant à ce qui est de la puissance, l'égal à 1, quel que soit ce nombre. Je souligne, un nombre quelconque puissance 1, c'est 1000, mais un nombre puissance 0, c'est toujours 1. Pour la raison très simple, c'est qu'un nombre puissance moins 1, c'est son inverse. C'est donc 1 qui sert ici évidemment au pire. À partir de ce moment, la partition de l'ensemble transmise aboutit à ceci, à savoir, si nous égalons l'ADF 0 dans ce ratio à 1, nous avons, pour ce qui en est de la partition de l'ensemble, ce qui paraît en effet bien recevable. À savoir que la suite des nombres entiers n'est supportée par rien d'autre que par la réitération de l'insortie de l'ensemble libre. C'est de ce reproduit qui constitue ce que j'ai donné la dernière fois comme étant le principe manifesté dans le monde de Pascal. Qui en est au niveau cardinal des monades, c'est que derrière, les plus que j'ai appelé, je me dis pour les sourds qui sont interrogés sur ce que je dis, la nade, c'est-à-dire le 1 en tant qu'il sort de l'ensemble vide, qui est la réitération en l'un. Je souligne très précisément ceci, que l'un dont il s'agit, c'est très proprement ce à quoi la théorie des ensembles ne substitue comme réitération que l'ensemble vide. Ce en quoi il manifeste la haine dans les ensembles de la vraie nature. Ce qui est en effet attiré au principe de l'ensemble. On se dit sous la plume de Cantin, certes, comme on le dit, naïf au moment où il a frayé cette voie. Mais en puissance intérieure, ce que la plume de Cantin a fait, c'est que pour ce qui est des éléments de l'ensemble, ceci veut dire qu'il s'agit de quelque chose, de quelque chose d'aussi divers qu'on le voudra, à cette seule condition que nous posions chacune de ces choses, vaches à vivre, objets. gel de la réflexion de la pensée de cette personne, cette communion, en fait, quoi le refuser, ça n'a rien dit d'autre que quelque chose de son. Il est tout à fait clair que le moment où on est dans la tradition avec le moment de la pensée, quand il s'agit de cette signification, que ça s'est cru à rester. Mais ce qui est dit, c'est très souvent proprement ceci, puisque l'exclusion dans l'appartenance à l'ensemble communément, c'est un élément quelconque soit répété en effet. C'est donc distinct que subsiste quelque élément que ce soit d'un ensemble. Et pour ce qui en est ensemble vide, il est affirmé au principe de la théorie des ensembles qu'il ne saurait être qu'un. C'est un, la nappe en tant que l'être au principe du surgissement. L'un du mérite, de l'un des faits de notre entier, et donc quelque chose qui se pose comme étant d'origine l'ensemble libre vivant. Cette notion est importante parce que si nous interrogeons cette structure, c'est dans l'absurde où nous, dans le discours réalité, l'être se sujette comme étant le principe de la répétition. Et que donc, ici, il s'agit justement de l'espèce d'être qui se trouve marquée de l'air jamais de à partir du moment où j'ai introduit cette fonction de la partition, un point du triangle de Pascal me permettrait d'interroger. Avec les deux colonnes que je viens de faire, j'en ai assez pour vous montrer une porte de mon point d'interrogation. Voici ce que j'énonce. Que nous n'avons comme nom de participe que le nombre qui précéda était affecté à l'ensemble N-1, à l'ensemble de nombre cardinal, à l'intérieur d'une unité au cardinal d'un ensemble. Regardez comment a engendré à partir de ce nombre qui correspond aux 13 nouveaux parties de l'ensemble que nous appellerons plus brièvement intérieur comme élément. Vous trouvez comme le plus Pascal nous a déjà fait, les parties qui vont proposer, et ce mouvement, une disparition, qui vont proposer comme partie, selon la première évidence, l'ensemble supérieur. Nous avons dit à chaque fois à faire l'addition de ce qui correspond dans la colonne de gauche aux deux qui sont situés immédiatement à gauche et au-dessus du premier qu'on a tenu dans l'occasion ici du chiffre 10 et du chiffre celui qui menace l'autre. Mais j'ai non incarné. Uniquement du fait d'avoir un abus d'office, ni l'ensemble vide au rang des éléments modèles. C'est-à-dire que c'est en additionnant l'ensemble vide avec chacune des quatre menaces de la colonne précédente que nous obtenons le nombre cardinal monade élément de l'ensemble supérieur. Essayons maintenant, simplement pour nous rendre la chose figurale, essayons maintenant de voir ce qui se donne sur un chiffre. Et prenons plus 5, la colonne en face de la droite. Prenons ici 3 menaces et non plus 4 mêmes. L'ensemble, nous le figurons de ce sens. Mais l'ensemble vide ne tient pas à ce qu'il soit du tout forcément au centre, mais seulement figuré de la main. Nous avons dit que l'ensemble vide, quand il s'agira de faire l'ensemble tétradique, cet ensemble vide viendra au rang des monades du précédent. C'est-à-dire, on va présenter comme ceci un tétraèdre. Tant qu'il ne s'agit pas de tétraèdre, il s'agit de non. C'est en tant que si c'est désigné par le maître alpha et gamma, nous aurons ici un quatrième élément à un élément dans l'ordre de ce sous-ensemble. Ce que nous aurons, c'est l'ensemble. Mais il n'en reste pas moins que l'ensemble vide. Au niveau de ce nouvel ensemble, il existe toujours. C'est au niveau de ce nouvel ensemble que ce qui vient extrait de l'ensemble vide, nous l'appellerons autrement, nous l'appellerons alpha beta, puisque nous avons déjà alpha beta gamma, nous l'appellerons delta. Un élément des sous-ensembles en tant que des tiers. C'est-à-dire, pour désigner celui-ci, à savoir celui, disons, pour rester dans l'intuition, des cinq quadrants qu'on peut mettre en évidence. Donc, disons aussi un peu hier à cinq. Là aussi, nous avons à prendre quoi? Les quatre triangles de la tétrade en tant que quoi? En tant que dans ces quatre nombres, nous allons pouvoir faire trois soustractions différentes. Ceci étant additionné, ce qui nous constitue comme ensemble, plus exactement comme sous-ensemble. Comment pouvons-nous avoir notre compte seul. Sauf à, je dis, ce même où nous n'aurions trois choses. Chacun a deux éléments différents. Nous n'aurions trois choses. Définie correctement et équivalent dans ce cette équivalence, cette neutralité d'indifférence absolue à la mort comme isolable, et ceci m'incluse dans cette inclusion ensemble qui la travaille sous ensemble. Ça veut dire que la même et à la ceci me paraît d'une extrême importance. Et très précisément, par exemple, au niveau de jeu mathématicien, qui fait la similitude l'idée substantielle. Dans la perspective réaliste, l'universel entend que cet universel est la réalité. Sauf que ce qui n'est pas du même niveau, et c'est à ça que j'ai réagi. Ce n'est pas au même niveau que l'idée semblable de cerveau. La neutralité des éléments d'ensemble est comptée comme jouant son rôle dans une partie de l'ensemble. La chose a certainement pour nous son importance. Puisque de quoi s'agit-il au niveau de la théorie analytique? La théorie analytique doit pointer l'un à deux signes. L'un est l'un qui se répète, il est au fond de cette science nationale. Qu'il dénonce une certaine répétition eu égard à quoi? À une structure simple. Quel est d'autre à considérer le schéma que j'ai donné du discours à la réalité? Ce qui sera la mise en place du sujet au niveau de la jouissance de parler. Ce qui se et ce que je désigne à l'état qui dit plus de choses, c'est S1. C'est une production cible. Je propose de voir cette simple la science que je propose de reconnaître dans ce qui en est de quoi. Qu'est-ce que la vérité de la vie? Qu'est-ce que peut dire que quelque chose sinon dans le signe par des lettres diverses? C'est l'élève. Que peut vouloir dire l'élève si ce n'est justement que c'est unique? À partir même de l'hypothèse, non pas de la théorie descendante, la fonction de l'élève. L'élève dont il s'agit, celui produit le sujet, disons, point idéal dans la vie, c'est très précisément au contraire de ce dont il s'agit de la répétition, l'un comme un seul, l'un en tant que qu'est-ce que ce soit, quelques différences qui existent, toutes les différences. grâce, là il n'y a que la grâce. C'est ce que je vous laisse ça achever ce jour, votre l'heure de fatigue. En presse, ainsi à l'heure, l'illustration de cette fonction du S1, telle que je l'ai mis dans la formule 4 dans le discours de la vérité,